Bon, compas, am na 24 pièces yu ci nekk. Parce que 24 pièces moo ci nekk. Di benn bu nekk ñu ngi ma dikkee 150 francs CFA. Compas yi, 150 francs CFA.